Ça sent la bouche. Strip, trip, prod. Elle a le cœur rempli d'or, la tête remplie de problèmes. Il passe sa vie dehors en forquant le système suicidé. Après avoir été trop maltraité, cet enfant a des séquelles. Après avoir été traumatisé, faut faire attention. Le diable vient jouer dans ta cour, la grâce a disparu. Les promenades sont de plus en plus dures, faut recharger les batteries face à toi. Y'a que la sale vie, t'as tout perdu, t'as que ton chien comme meilleur ami. Cette femme a des gosses, mais préfère sniffer des doses. Lui semble dans l'alcool, mais à qui la faute de regarder dans un miroir, t'arrives même plus à faire ça. Le bon sauveur est désormais à deux pas de chez toi. En vérité, tu préfères les vraies meufs aux crasseuses. T'as voulu tenter, mais de la mise bien profonde, tu l'as aidé. Comme un frère, là on n'a jamais tourné. À part que le flic t'a appris que c'était lui qui t'avait pas versé. Elle sort tout dans ta bouche de Alish. Alors que dans ton quartier, mon flow s'affiche. Millery, zigzag, toute ma vie débarque. Ça sort de ma bouche, mon rap n'a pas d'arnaque. La vérité, elle sort tout dans ta bouche de Alish. Alors que dans ton quartier, mon flow s'affiche. Millery, zigzag, toute ma vie débarque. Ça sort de ma bouche, mon rap n'a pas d'arnaque. Ras-le-bol de toutes ces dettes, voilà avec le revolver. T'es allongé avec plein de sang sur le parterre. Tu fais souffrir ta mère, 15 ans, mais c'est plus fort que toi. Cette gamine enceinte qui t'est par le futur papa. Mate-moi ça, le monde n'arrête pas de tourner en rond. Pauvre contre riche, pas égal au niveau du pognon. Plus ça va, et je vois trop de choses qui me choquent. La France ou LND, tous égal au niveau de nos blocs. Le contraire de la sincérité, c'est la méchanceté. Tu l'as trompé, humilié, donc elle s'est barrée. C'est un attardé, il ne l'a jamais souhaité. Différent des autres et pourtant tellement cultivé. Tout ce que je dis, ça sort de ma bouche. Même si au fond de toi, ça peut te paraître louche. Dans ton quartier, tout le monde te prend pour une victime. La vengeance, elle, un goût de guerre et de crime. La vérité, elle, sort tout dans ta bouche de Alish. Alors que dans ton quartier, mon flow s'affiche. Millery, zigzag, toute ma vie débarque. Ça sort de ma bouche, mon rap n'a pas d'arnaque. La vérité, elle, sort tout dans ta bouche de Alish. Alors que dans ton quartier, mon flow s'affiche. Millery, zigzag, toute ma vie débarque. Ça sort de ma bouche, mon rap n'a pas d'arnaque. Se voiler la face, ne pas admettre la vérité. T'es tombé bien bas, tu trimes pour te relever. Devenu fou à cause du pute. T'as préféré prendre un platane en voiture. Tu tabasses ta femme devant ton propre enfant. Pourtant au début t'étais tellement attachant. Le tribunal a annoncé le divorce. Maintenant que tout est fini, tu regrettes ta faute. Regarde ce type assassiné. La lame est toujours plus forte que l'associé. Le cœur fatigué, sa vie ne tient que sur un fil. Ce soir c'est la fin, toute sa vie défile. Bizarrement t'es maudit, mais la chance c'est venu aussitôt reparti. Te voilà coincé dans une voie sans issue. 22h se termine. Ça sort, tu donnes RDB à la prochaine rime.